Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans cette 36e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je suis très heureux de vous retrouver et je tenais à vous remercier pour vos sympathiques messages que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission. Cette semaine, un max de nouveautés, de titres en live et de titres plus anciens. On commencera cette émission avec Pantera et I Am The Night. C'est aussi le titre de cet album de 1985. On peut entendre aussi Hot and Heavy, Daughters of the Queen, Forever Tonight. Je diffuserai ensuite Escape d'Alien Scab. C'est sur l'excellent Coming Soon, sorti en 2014. On retrouve Your Equal, Nothing Wrong et Innocent notamment. Et on s'écoutera ensuite le nouveau titre d'Israel Vibration, What It Name. C'est sur l'album Pay It Real, sorti en 2015. On peut entendre aussi Ganja, Happiness, Dancing in the Rain, entre autres. Je diffuserai ensuite What You Want From Me de Cypress Hill. C'est sur le double album Skull and Bones, sorti en 2000. On peut entendre aussi Another Victory, Worldwide et A Man. Et on finira ce bloc avec Turbo Lover de Judas Priest en live, c'est sur l'album Turbo sorti en 1986. On retrouve Locked In, Your Rock, Rock You All Around the World et Reckless. from inside. Escape. Don't resolve the problem. Escape. Don't resolve the problem. Escape. Don't resolve the problem. Escape. Don't resolve the problem. Why can't we run away? Why can't we hide? Why can't you answer the question and come from inside? It comes from inside. Escape. Don't resolve the problem. Escape. Don't resolve the problem. Escape. Don't resolve the problem. Escape. Don't resolve the problem. Why can you say what makes the way in your way? That's all I said, Eddie. That's all I said, Eddie. For a poor man's affairs now. No, I don't care for the people's crying. Is it because they are poor and in the ghetto? I just know, say they really can't find me. Although I know one day Jah will pass their way now. Pass their way. The more you look, the less them say you see. But I don't see no possibility. But the more you look, is the more you're supposed to see. Ah, in a land so free, you see. People are always see. Ah. Moving in different places, trying to put themselves at peace, at least in this bad economic time. Whoa. No one looking for the poor man's affairs now. No one looking for the people's crying. Possibility, cause the more you look, is the more you're supposed to see. No one looking for the poor man's affairs now. No one looking for the people's crying. Is it because they are poor and in the ghetto? I know, say them we can find it. Find it. Can't find it. The more you look, the more you're supposed to see. And that's how I know it is in reality. Ah, oh yeah. The more you love, the more you're supposed to see. And that's how I know it is in reality, the more you love, the more you're supposed to see. Tell me what, what you want from me, huh? What you want from me? Tell me what you want from me, what you want from me? What you want from me? Wanna live my life, drive my car with my jewels, and you're hawking my wife. What you got from me? Fame, opportunity, I guess that ain't enough for ya. You want the look and weed, what you need from me? To bleed and die quickly. Here I'm turn my back, here's the knife for you to stick in me. What you do for me? Stab me in the back, Benny. Over little shit, you're too greedy. Here's an enemy, what you done for me? Ride free, play the bowl, acting like you was my homie. Just a fucking phony, what you see in me? A weakness so you can damage me and discredit me, so you can take advantage, yeah. What you need to see? The Nina Millie 6 eyes, show you how I don't give a fuck about you. You caught now, what you need to be? Running away from the leader before you get involved by my heater. What you want from me? What you want from me? Tell me what you want from me. What you want from me? What you want from me? What you want from me? Money and the record deal, free tickets to the shows and the free meal. What you got for me? Besides all your hang ups and sob stories, the violin playing, baby. What you want to be? Everything I am now, but you never worked for it. Delivered you fucking gimmick. What you want to steal from me and my homies? Niggas wanna act damn, you don't even know me. What you need to weed to think it over clearly? You can hear me over the speaker, respect you don't come near me. What you got from me? Back up and a lot of weight, but now you're hating on me in every single way. What you have with me to make you turn and switch up? Funny how money makes a fucking nigga bitch up. What it's got to be, you get disconnected over methods you choose to make yourself get ejected. What you want from me? What you want from me? Tell me what you want from me. What you want from me? What you want from me? What you want? What you want from me? What you want from me? What you want from me? Tell me what you want from me? What you want from me? What you want from me? What you want? What you want from me? What you want from me? Pictures and a demo. You wanna act funny and hit my lingo? What you got to see? I need a little privacy. You don't even know of the shit depriving me. What you need from me? Someone to put your shit on, then forget what I've done for you before you get on. What you have to be true to the family and fuck them and feed them if you ain't understanding me. What you want to be, hard or a pop star? Going out doing the same shit that the love saw. What you want from me? Nothing but burn bridges down. I should crack your jaw and knock it off the hinges now. What you out to need? Doctors and nurses and hearses and the worst thing, you're feeling the blood curses. What you about to be? Gone, another memory. Remember this, if I got to choose over them or me, and choose me, motherfucker. You understand? What you want from me? What you want from me? What you want from me? Tell me what you want. What you want from me? What you want from me? What you want from me? Tell me what you want from me? What you want from me? What you want from me? What you want? What you want from me? Vous êtes toujours dans la 36e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'écouter, ah ça arrache aujourd'hui, hein. On vient de s'écouter I Am The Night de Pantera, on a continué avec Escape d'Alien Scab, ensuite on a eu White Name de Israel Vibration, le dernier What You Want From Me de Cypress Hill et on a fini en live avec Turbo Lover de Judas Priest. On continuera cette émission toujours en live avec Primus et Tommy the Cat sur le superbe Suck On This sorti en novembre 1989. On peut entendre aussi Groundhog's Day, Pressman et le grand classique Frizzle Fry. Je diffuserai ensuite Skeletons of Society de Slayer. C'est sur l'album Seasons in Abyss sorti en 1990. On peut entendre War Ensemble, Dead Skin Mask et Temptation notamment. On s'écoutera ensuite Le Son des Bas-Fonds de Maldon. C'est sur l'album Vida Loca sorti en 2012. On retrouve Lost in My Way, Marche ou Crève et Ils ont tué mes rêves entre autres. Et si on s'écoute un bon ska, ça vous dit? Ok, alors ça sera Stupid Marriage des Specials, c'est sur l'album The Specials, sorti en 1979. On retrouve aussi Do the Dog, A Message to You Rudy et une superbe reprise du Monkey Man des Tools and the Metal. Et on finira ce bloc en live avec Dire Straits et Six Blessed Knife, c'est sur l'album Dire Straits, sorti en 1978. On peut entendre aussi Down the Waterline, Sultan of Swing, qui leur donnera leur surnom, et Setting Me Up notamment. Say, baby, do you want to lay down with me? Say, baby, do you want to lay down by me? Say, baby, do you want to lay down with me? Say, baby, say, baby! Meal ago, said Tommy the Cat, as he reeled back to clear whatever foreign matter that may have nestled its way into his mighty throat. Many a fat alley rat had met his demise while staring point blank down the cavernous barrel of this awesome prowling machine. Truly a wonder of nature, the serpent predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. The aroma of the mean scent was enough to arouse suspicion even the oldest of the tigers that hung around the hot spot in those days. The sight was beyond belief. Many a head snap or double, even triple takes as vivacious feline made her way into the delta of the alleyway, where the most virile young cabbies were known to hang out. They hung in droves. Such a multitude of masculinity could only be found in one place, and that was O'Malley's. The air was thick with catcalls, no pun intended. But not even a muscle in her neck did twitch as she sauntered straight into the heart of the alleyway. She knew what she wanted. She was looking for that stubble. He got! Wanna lay down by my side, baby? Do you wanna lay down with me? Say, baby! Remains. Shades of death are all I see. Skeletons of society. dire. Dans nos rêves, je lis l'avenir. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on advienne, on brisera toujours nos chaînes. Nous avancerons ensemble, puisqu'on se ressemble. Je gueule et tu me réponds sur le son des bas-fonds. Fait surface dans un monde désastreux, en sortirons-nous tous glorieux, un pour tous et tous pour un, comme les cinq doigts de la main, nous prendrons ce qu'il y a de bon, monte ce son, le son des bas-fonds, nous avancerons ensemble, puisqu'on se ressemble, je gueule et tu me réponds, sur le son des bas-fonds, nous avancerons. Session. What do you mean, oi, Mr. Quartin Session? Order. My name is Judge Roughneck, and I will not tolerate any disobedience in my courtroom. Rude boy, you have been brought in front of me and charged with smashing this woman's window. Before I sentence you, what have you got to say in your defense? I was walking down the street one night when I saw her silhouette in a bathroom light. Her way of life, baby, nothing to hide. With the frosted glass, shattered curtains open wide. She left you and married someone else. So you got drunk and smashed up your ex-girlfriend's property. I have come to one conclusion, that is to sentence you to 5 months in prison. Before they take you down to the cell, what have you got to say for yourself? He wanted to be something, but she knows he never will. She's got him where she wanted and forgot to take her pill. And he thinks that she'll be happy when she's hanging out the nappies. If that's a happy marriage, I'd prefer to be unhappy. Nice Santa. Take him away. To be free. Vous êtes toujours dans la 36e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Tommy the Cat en live de Primus, Skeletons of Society des Slayer, Le Son des Bas-Fonds de Maldon, Stupid Marriage des Specials et Six Blade Knife en live avec Dire Straits. Là, on va se faire un bloc rock alternatif. On repartira en live avec les Fatal Picard et Goldorak est mort. À la base, c'est sur l'album Droit de Veto, sorti en 2003. On pourra entendre aussi Schizophrène, Schizophrène, tu vas dans le mur avec Cash et je suis un vaurien. Bon, tiens, j'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait des nouveautés. Je diffuserai le nouveau titre de L'Homme Parle, Le Jour Viendra. C'est extrait du tout nouveau Obsolescence Programmée, sorti le 12 février 2016. On peut entendre aussi sur ce magnifique album Télégénique, Adomaso et Obsolescence Programmée. Promis, je diffuserai d'autres morceaux de ce CD. Le jour viendra me fait penser à Duluc. Aussi, je diffuserai C'est la guerre de Luc. C'est sur l'album Pornographie, sorti en 2015. On peut entendre Warrior, Des marchandises et Discothèque. Allez, on continuera avec une autre nouveauté. C'était les shérifs de Les Crétins des Alpes, mes bons copains. C'est sur l'album Chevalier Crétin, sorti tout dernièrement. On peut entendre aussi Rasta, Farien Rasta à la maison, Le Tueur de Rongeurs et Drogueman entre autres. Et on finira ce bloc en live avec les shérifs, puisqu'on vient de parler d'eux. Et Les Deux Doigts dans la Prise, c'est de l'album Bang, sorti en 2014. On retrouve À coups de batte de baseball, Ça fait mal, Bon rien, enfin bref, tous les grands classiques des shérifs. La calandre est super enfoncée, et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un kart à pédale. Comment je vais dire ça, papa? Aux entrées, ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété, et les pleins nitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de l'en démarrer. Et voilà, Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps, je crois que le déco est pété. Allez les couches, je suis prince de fort. J'ai quand même pas me mettre à chialer. Je me vois bien sortir de la boîte. Après sur la petite route je déboîte. J'ai vu débouler le lapin. J'ai lancé les fulgures au poids. Pourtant c'était bien, oh c'est non. Mais Lucia était trop canon. Elle s'est cassée avec Yoman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak est mort, impossible de l'en démarrer. Et voilà Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Comment je vais manger le rebord et le rail de sécurité? Sans dire que je préfère être mort. Au contre-pique-nique là c'est râpé. Madame pardon de vous déranger, est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais chez Laurent il a mis une casquette. Pour le Japon je fais le 01 le vent. Allô papa j'ai un super méga pépin. Je suis entre Coulommiers et Amiens. Ça va? Ça va sauf que je sais pas de chemin alors merci hein. Écoute papa il faut que je te dise. Oui je sais j'ai pas pris ma carte grise. Bon y'a les trucs plus importants. Allez c'est bon passe-moi maman. Quoi j'ai jamais une maman? Mais tu me l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère. Parce que c'était le grand stratège. Et voilà Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Et voilà Goldorak est mort, il place du câble à reporter. C'est bon, me traîne pas tête de mort. Je sais sécher au pont et parler. Faut donner des pièces à le bâton. Et il fait raquer l'enculé. Goldorak est mort. Merci beaucoup. Regarde, Yvan, si on fait toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, enfin bref, si on fait ça pendant 20 bonnes minutes, eh bien, à la fin, ça donne tout simplement le plus merveilleux public du et monde. C'est toi qu'on a envie de remercier, évidemment. Et on le dit sans démagogie, hein. Enfin, très peu. Car c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. qu'il y a tes pas, dis-moi seulement où tu vas. Je suis toujours prêt à te suivre, fidèle au poste comme un soldat. Couvre-toi bien, ne prends pas froid, à l'abri des caches-misères. Le souffle gelé de ta voix ne soulève plus que de la poussière. Égaré au cœur de l'hiver, idéaliste, je t'ai ouvert. Tu étais juste endormi sous le manteau de l'hypocrisie. Je te sens souvent à fleur de peau, plus rien en toi ne fait écho. Pourtant tout le monde ici t'attend, répond à l'appel des partisans. Le jour viendra, le jour viendra, sans attendre un matin couleur cendre. Le jour viendra, sans prévenir le parfum des grands soirs. Le temps de laisser fleurir, il n'est jamais trop tard. Eh bien quoi, ne soupire pas, les belles histoires coulent sur toi. À trop tirer la couverture, on s'endort nu au pied du mur. Quand verra-t-on dans les jardins les bourgeons du lendemain? Le printemps, un jour de sang, des cerisiers éclatants. Allons marcher dans les feuilles mortes, qu'elles craquent sous nos pieds. Quand l'histoire frappe à la porte, à la lueur des brasiers, les rumeurs de ton retour, j'ai trop rêvé de te revoir. Brûlante comme au premier jour, brandissant haut un drapeau noir. Le jour viendra, le jour viendra, sans attendre un matin couleur cendre. Le jour viendra, sans prévenir le parfum des grands soirs. Le temps de laisser fleurir, il n'est jamais trop tard. Ici c'est la guerre. Génération MTV, génération somnifère. On vous

Vous êtes toujours dans cette 36e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure. Alors dans ce bloc qui arrache, on a entendu Goldorak est mort en live des Fatal Picard, Le jour viendra, le dernier titre de L'homme parle, C'est la guerre de Luc, C'était les shérifs de l'écrétin des Alpes et Les deux doigts dans la prise en live des shérifs. On poursuivra cette émission avec Irresistible Force de Jane Addiction, c'est du live in New York City en 2013. On retrouve sur ce live Just Because, Up to the Beach et Three Days, entre autres. Je diffuserai ensuite Blood of Heroes de Megadeth, c'est sur l'excellent Euthanasia sorti en 1994. On retrouve aussi Addicted to Chaos, Elysian Fields et Victory notamment. On s'écoutera ensuite I Was Wrong de Social Distortion, c'est extrait de White Light, White Heat, White Trash sorti en 1996. On peut entendre aussi Don't Drag Me Down, Through These Eyes et When Angel Sings. Tiens, une autre nouveauté, Champion des Deputies, c'est le nouveau single, ils doivent sortir bientôt un EP. À faire, à suivre, des nouvelles très vite. Et on finira ce bloc en live avec Arnaud et Chiqué Pas Cher. C'est sur l'album French Bazaar, sorti en mai 2004. On retrouve La Vie est une partouze, Françoise et La Fête. Sous-titrage Société Radio-Canada. Thank you, family. What they had to say. I was wrong.

je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu la vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne à dents. Il crie motherfucker même quand il dort. Et tout le monde cherche la vérité. Il chante les mêmes tubes d'été. Oh, la vie est belle, chic et pas cher. Vous êtes toujours dans la 36e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. Alors on vient de s'écouter Irresistible Force en live de Jane Addiction, Blood of Heroes de Megadeth, I Was Wrong de Social Distortion, le Champion, le nouveau Deputies, et on a fini en live avec Arnaud et Chic et Pas Cher. Donc on poursuivra cette émission avec Les Cure et The Love Cats. C'est un single qui est sorti le 18 octobre 83 et on le retrouve dans la compile Japanese Whispers sorti en 1988. On peut entendre The Dream, Lament et The Upstairs Room. Si on s'écoutait un bon Nina Hagen, ça vous dit? Ok, alors ce sera Atomic Flash Deluxe. C'est sur l'album In Extase sorti en 1985. On peut entendre sa super reprise de My Way, Russian Reggae et Water and Sir entre autres. Je passerai ensuite Herbman Anthem de Scaramucci, c'est sur le sublime Return of the Ragamuffin sorti en 2012. On retrouve aussi Ja Blessing, My Girl et Superstar, entre autres. Tiens, puisqu'on est dans le reggae, on poursuivra avec Truth and Right de Dillinger, c'est sur l'album Three Piece Suit sorti en 1998. On peut entendre Answer My Question, Lego Violence, Don't Take Another Man's Life, et on finira ce bloc en live avec Serge Gainsbourg et Lola Rastaquer. À la base, c'est sur l'album Aux Armes, etc., sorti en 1979. On retrouve Délé, Brigade des Stupes, Relax, Baby Cool, notamment. Tigers, oh, we could.

We not give a damn, for we not too loudy, loudy. Babylon a pause and me tell them howdy. Smoke them marijuana till me get drowsy. When them a go do the soda, soda, soda, soda, soda, soda. Ganja man smoke it proudy. They go some ganja woman, ganja man. If you some work it, put up on the wall. Party night a ganja celebration. Each and everybody help me sing this song. So ganja woman and ganja man. Ganja feel legalize and we not afraid of Babylon. Look up the one and make me sing this song. Ready for me legalize. So when them a go do this, I can't get them in a no. Them a fight the marijuana, but now we make it grow. Every morning, me see them and me a saw. Give them to water, watch them daily a grow. Look the marijuana, make the whole world know. Got it in the house, anytime it starts now. X amount of weed, watch it smoke it a blow. Oh my God, you shoulda know. Them say we winning, challenge never loaded. Anywhere we go, when we smoke it, get cloudy. Smoke it downtown, when the place look cloudy. We not give a damn, cause we not too loudy, loudy. Babylon a pass, and me tell them howdy. Smoke the marijuana till me get drowsy. When them a go do the soda, soda, soda, soda, soda, soda. Ganja man, smoke it proudy. We go some ganja woman, ganja man. If you some work it, put up on the wall. Party night a ganja celebration. Each and everybody help me sing this song. So ganja woman and ganja man. Ganja feel legalize and we not afraid of Babylon. Look up the one and make me sing this song. Ready for me legalization. Legalize marijuana right now. Why can we want for some work it till the break of day? Feel like maybe someplace on a holiday. And I spend the marijuana all the way. I'm like it up 24-7. Feel like me flying somewhere in the heavens. And can you take me to another level? Make me feel oh so comfortable. Make me feel cool, keep me real calm. In the winter, keep me real warm. Light up the chalice and the thing turn on. Smoke up the place, oh God, what I want. I know the weed is smoking. You can smell it everywhere. All over me clothes, and me have it. And me carry it on the plane, on the train, everywhere. I need more marijuana because my friends are up in here. And with some more I agree till them mad gone crazy. You know say we not care. I can smell the aroma blowing through. So when we put the marijuana in our chalice anyway, we do we light it. We no matter if it's Zurich Square. We not give a damn and we no matter if it's Holland to the Japan. Anyway we do, I could have Germany, I could have France, could have Italy. How we are smoking marijuana anywhere. Chalice ever loaded. Anywhere we go when we smoke it get cloudy. Smoke it downtown when the place look crowdy. We not give a damn cause we not too loudy, loudy. Babylon a pass and me tell them howdy. Put the marijuana till me get drowsy. When them a go do the scabada, scabada, scabada, scabada, scabada. Ganja man smoke it proudy. It goes up ganja. once again. Like the marijuana anywhere. Be a silly, me smoke, be a silly. I when me see the marijuana, me no be a I me no have time for what, me no be a sweaty. I be a marijuana, me smoke, really. Hey! Man, me never take in the golden rule. Man, that's why they want to use me as a tool. Man, but me must have to stick by the rule. And you know, hear what the preacher man say. Man, him really say that badness no pay. Man, you know, hear what the teacher man say. Man, him really say that badness no pay. Oh, you know, hear what the beast man say. Man, him really say that badness no pay. But I kid about the son of little. About the song that keep you rocking on the track is our till the one time, you know. Man, you don't hear what your mama say. Your mama say that badness no pay. Man, you never hear what your papa say. Your papa say that badness no pay. Said every day you run away and then you go on the bay. Every day you run away and then you go on the bay. You never hear what your parents say. Man, you never hear what your preacher man say. Man, you never hear what your teacher say. Man, you never hear what the policeman say. Man, you never hear what the soldier man say. Did I hear say that badness no pay? Badness don't pay for a day. Some the dividends that you get is written. Enough is done. Put suit with glass front, I would say. Enough perfume, I would tell you I'm going 6 foot six. For badness, I would say, you know, you hear what the preacher man say. Man, he really say that badness don't pay. Man, you know, you hear what the preacher man say. Badness don't pay. Badness don't pay. Whoa, badness don't pay. Man, say, man, you know, hear where the pastor say, oh, I said, I don't know your mother and your father, that your days may be long upon the land. Oh, it's the Lord thy God, I'd give it to you, it's a serious thing. Oh, man, you said, the truth and right. Oh, and if I get the truth and right, oh, I don't hear what the pastor. Man, he really say that badness no pay.